des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est le palmarès C'est fou, édition week-end. Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est fou édition week-end pour la semaine du 16 octobre 2017. Je m'appelle Tania Baudin. Allô, moi c'est Mathieu Plante. On vous parvient des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Aujourd'hui, on vous offre encore une édition spéciale de 3 heures au lieu de 4. Pas de portion mishmash cette semaine, malheureusement. En deuxième heure, ça sera la portion top 10 avec les positions 10 à 6. Et en troisième heure, la portion top 5. On saura si Nicolet et Gogol Bordello sont toujours au sommet. Je vous présenterai aussi mon segment de découverte musicale, l'huile de palme à l'aise. Ouais, c'est une assez différente, assez spéciale, parce que bon, non seulement ma voix est vraiment pas bonne, mais en plus, nos enregistrements ont eu bien de la misère. Donc la première portion, vous allez voir, la musique est super bonne, mais nos voix sonnent comme ça dans un tunnel. C'est incroyable. Vous allez voir. Ah, donc, rafale des Palmarès C'est fou édition week-end commence tout de suite. Voilà, c'est tout pour les Palmarès C'est fou édition week-end. On se retrouve lundi pour une toute nouvelle semaine des Palmarès C'est fou. Du lundi au jeudi, de midi à 13h. Édition week-end, les samedis à partir de midi. Pour Tania Baudin et moi, Mathieu Plante, bon week-end. À lundi avec une belle voix. OK, oui. Bye. Bye tout le monde.